Bonjour à tous, c'est Camille Proust en direct de la station CKRL pour cette émission spéciale et inédite de notre radioton, les Mésadaptés. Incendie de Wajdi Mouawad, L'avare de Molière et Corélian de Shakespeare, c'est les œuvres dont nous allons parler aujourd'hui. Et les Mésadaptés, ben, c'est une table ronde, on l'a devant nous. Et autour de cette table ronde, on a plusieurs invités qui vont parler des textes originaux, mais aussi des adaptations de ces œuvres. Et j'ai la chance d'accueillir Conan Arsenault. Tu merci. Es chroniqueur à CKRL et un cinéphile averti. Très averti, merci oui, beaucoup. Oui, très averti. Marie-Hélène Vaugeois, bonjour. Bonjour. Tu es libraire à la librairie Vaugeois et oui. collaboratrice à l'émission Les Bouquins d'abord. Exactement. On t'entend régulièrement à CKRL. Et finalement, Robert Boisclair, bonjour. Bonjour. Et tu es animateur de l'émission Les Enfants du Paradis. Oui, tout à fait. Une émission de théâtre et de danse. Donc, trois spécialistes, bonjour à tous les trois. Et bonjour, cher public, qui vous êtes déplacés jusqu'à CKRL. Bravo, merci. Merci d'être là, merci pour votre générosité. Chers auditeurs, il est encore temps de venir aussi. Venez nous rejoindre. Et on commence tout de suite avec le premier extrait pour présenter notre œuvre. Quand on a arraché mon fils de mon ventre, puis de mes bras, puis de ma vie, j'ai compris qu'il fallait choisir. Ou je défigure le monde, ou je fais tout pour le retrouver. Vous venez d'entendre un extrait du spectacle Incendie de Wajdi Mouawad, mis en scène par Marie-Josée Bastien, qui a été joué au Trident récemment, du 6 au 31 mars. Robert, tu es allé voir oui. ce spectacle. Alors, peux-tu d'abord raconter un peu l'histoire? Oui, mais en fait, là, je vole un petit peu la job de notre ami. Eh bien, chacun va devoir raconter ça. Oui, et de toute façon, elle nous dira si, justement, il y a des différences avec le texte original oui, après. Et elle pourra me reprendre. Ça se trouve, voilà, exactement. Exactement, c'est très libre comme émission. Donc, la pièce débute avec un notaire qui est en train de lire un testament. Et il y a deux jumeaux qui reçoivent le résultat du testament. Et dans les obligations qu'ils doivent faire pour toucher l'héritage, deux lettres leur sont remises. C'est un garçon et une fille. Et la première lettre, un des deux jumeaux doit aller la remettre à son père. Et la deuxième lettre, l'autre jumeau doit aller la porter à son frère. Frère que ni un ni l'autre ne connaissait. Et donc, père non plus. Le père, il le connaissait, mais il ne l'avait jamais vu. Il ne l'avait jamais rencontré, si ma mémoire est fidèle. Il savait qu'il y avait un père. Il savait qu'il y avait un père. Oui, alors ça, en général, c'est quelque chose dont on se doute quand on sait qu'on est né. La pièce, c'est un peu tout ça. C'est leur quête, leur départ, leur quête pour essayer de retrouver et le père et le frère. Mais on fait beaucoup une incursion à l'intérieur des personnages aussi de ces deux jeunes-là. On découvre ce qu'ils vivent, comment ils vivent cette situation-là, parce que vraiment, c'est un choc d'apprendre que tu dois aller trouver un frère que tu n'as jamais connu et d'aller trouver un père que tu n'as jamais vraiment vu non plus. Et donc, en même temps qu'un deuil à vivre, oui, il y a un deuil. Puisque la mère vient de mourir. Et la pièce, pour ça, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle est faite sous la forme d'un deuil aussi. On voit vraiment un peu toutes les étapes du deuil, le rejet, la haine, l'acceptation, la recherche, etc. Donc pour ça, c'était hyper intéressant pour la pièce. Et il y a beaucoup d'ellipses dans le temps. Dans ce spectacle-là. On retourne dans le passé, parce qu'on retourne, c'est la mère qui s'était pendant 5 ans, qu'on découvre. Alors, on découvre son parcours, on découvre le père en cours de route, on découvre comme le frère. Comme un flashback, en fait. Comme un flashback. Pour voir un petit peu l'histoire de cette femme. En même temps que les jeunes font la recherche. Il ne faut pas oublier non plus que, c'est, en fait, la mère vient d'un autre pays, qui n'est jamais nommé, mais bon, il y a aussi l'immigration, la guerre. Bon, on suppose que c'est le Liban. On suppose que c'est le Liban, mais il reste qu'il n'est quand même jamais nommé. Il n'est jamais nommé, d'accord. Est-ce que, dans la pièce de théâtre, on nous emmène au Liban d'une certaine façon? Oui, parce on nous emmène dans un pays différent du Québec. D'une certaine façon, parce que dans le décor, dans la scénographie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un très, très grand nombre de chaises. Je ne sais pas comment il y en avait. Il y en avait facilement là, 40, 50 ou 60 chaises qui étaient empilées les unes sur les autres. Et comme c'est l'histoire d'une mère et d'un père et des enfants, donc on passe au travers fait, principalement de la mère, de l'histoire de cette mère-là. Les chaises aussi, c'est porteur d'une histoire. Une chaise, il y a une histoire, il y a quelqu'un qui s'est assis dessus. Ça a été dans une maison, ça a passé un certain temps dans une maison. Et c'est empilé un peu comme un Capharnaüm. Donc, on a vraiment l'impression, quand on se promène au travers des chaises, et que les personnages, plutôt, se promènent au travers des chaises, qu'on est dans un pays en guerre, où il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Et ça, c'était très intéressant dans la mise en scène et dans la scénographie de cette pièce-là, parce qu'on voyageait à la fois dans notre tête, mais on voyageait aussi par les objets qui étaient sur scène, par la scénographie qui était là, et on découvrait les lieux qui nous étaient parfois suggérés par les vêtements, parce que les comédiens changeaient de vêtements selon le cas, parce que les comédiens pouvaient interpréter plusieurs personnages, et aussi par les chaises qui, à un moment donné, représentaient un monde un peu en chaos, ce qui était aussi une double image. Hein, un chaos dans lequel ils sont, eux, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent chercher, ils sont à la recherche, essaient de découvrir, et le chaos qui se passe dans un pays en guerre où il y a des problèmes de Alors, il y a ces outils scénographiques. Comment c'est présenté dans le texte original, Marie-Hélène? Dans le texte original, c'est évidemment le texte de la pièce, mais ça nous permet de s'imaginer le décor. Moi, j'ai la chance d'être allée au Liban, donc c'est sûr que si je lis Incendie, je vois le pays, je suis allée à peu près dans la région où ça se passe, donc j'ai des images peut-être plus précises que quelqu'un d'autre, mais sinon, on s'imagine notre Liban à nous. Je crois que le livre, c'est ça. C'est le texte original sur lequel on va travailler. Moi, j'ai envie de raconter une petite anecdote. La première fois, j'ai vu Incendie au Trident, mais la première fois, je l'ai vu, c'était pendant Sang des forêts, la Sang des promesses, donc les trois pièces l'une à la suite de l'autre. Oui, parce que ça fait partie d'une tétralogie, je crois. Oui. Et j'ai dormi pendant Incendie, donc ce que je peux pas faire pendant que je lis. Bon, j'ai pas dormi longtemps, puis c'était pas parce que c'était pas très bon, c'est juste parce que ça faisait 12 heures, parce que ça faisait 6 heures que j'étais au théâtre, et il était l'heure de ma sieste. Mais je peux pas. Donc, si je suis devant mon livre, ben, je vais tout simplement faire une pause. On lit à notre rythme aussi. J'ai envie de dire, le texte et la pièce est le même, mais c'est la manière qu'on le reçoit. Et même à la fin de... Moi, j'ai souvent cette frustration-là au théâtre. À la fin de la pièce, des fois, j'aimerais ça qu'on me dise « Repose-toi, avale. » Puis dans une heure, t'applaudiras les comédiens. Mais non, on peut pas leur dire « Revenez dans une heure. » Il faut le faire tout de suite. Puis là, J'ai l'émotion puis du dépaysement. Exactement. De tandis que le livre me permet d'être à mon rythme. Oui. Je peux en parler deux jours plus tard. Et de revenir. Si à un moment donné, j'ai dormi pendant ma lecture, je peux retourner sur le passage sur lequel je me suis endormie. Je peux relire trois fois le monologue de Nawal à la fin, qui est magnifique. Ça serait ridicule au théâtre. Oui, ben, j'avoue que c'est un peu un inconvénient, entre guillemets, au théâtre, parce que parfois, il y a des spectacles dont on aime le texte et on aimerait le revoir jouer, pas nécessairement le lire, mais le revoir jouer pour bien comprendre le sens qu'on a donné via la mise en scène ou le jeu des comédiens. Alors, par contre, le cinéma, ça, on peut le faire, de revoir une scène. Mmh. Et au niveau du dépaysement, je reviens un petit peu là-dessus, mais sur ce voyage qui est fait dans le film, parce que toi, Conan, tu as vu le film réalisé par Denis Villeneuve. Exactement. En 2010. Oui, un film que tu n'avais pas Denis vu. Là, tu l'as vu cette semaine, j'en avais dit beaucoup de bien. Exactement, même que j'avais un peu peur, et j'avais tellement entendu de bien de ce film-là, puis là, tu sais, bon, mais vraiment... Wow, c'est un film qui a vraiment, tu sais, pour utiliser l'expression cliché, un film coup de poing. C'est vraiment, là, c'est un film qui te, dès le début, ça commence dans l'intensité. Tu sais, c'est sûr et certain que on suit. Ce qui est intéressant quand tu as mentionné les chaises, ça m'a fait penser justement à les chaises dans le film. Est-ce que les sièges sont importants? Puisque les personnages se déplacent de manière, ils vont à une place, ils vont à l'autre. Ah non, mais faut que tu retournes à Daresh. Ah non, mais là, faut que tu retournes là-bas. Oh oui, mais il y a le gars là-bas. Ça se déplace. Puis, donc vraiment, il y a quand même une couple de scènes où les sièges sont quand même assez importants. Donc, entre autres, la scène où le jumeau se fait révéler le terrible secret. Oui. On voit presque rien sauf la chaise sur laquelle le personnage est assis. Ils se font même dans la chaise et comme des mêmes teintes. C'est une des scènes très fortes du film, mais qu'on comprend en fait après coup, parce qu'évidemment on se fait pas dire, il murmure à l'oreille. Ce que je trouve intéressant par rapport à la mise en scène, juste avec l'extrait du texte, j'ai pu voir qu'évidemment on a adapté le texte carrément. C'est pas du tout, on colle pas du tout sur le texte. Pas du tout la même chose. Tu as vu le film aussi, Marie-Hélène? Oui, effectivement, il y a même des différences dans l'histoire. En fait, comment qu'on trouve le fils. Parce que je pense qu'on a coupé certaines portions. Oui, mais c'est tout le temps comme ça au cinéma. Oui, alors tout le temps coupé. Oui, on coupe des fois les portions coupées. Est-ce que c'est celle, parce que j'ai vu quelques extraits de la bande annonce de la pièce de théâtre, des extraits où il y a une personne qui vient expliquer Viens sur scène, expliquer un petit peu. Voilà telle personne de telle famille qui regarde telle personne de telle famille. Et regardez, c'est beau. Qui viennent vous expliquer presque un peu comment interpréter le texte, comment comprendre les personnages. Est-ce que ça, on l'a enlevé dans le film? Ben, oui. Oui, évidemment. Vraiment, ça vient directement dans l'action. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de scènes qui se passent avec des dialogues très, très minimaux. Tu sais, il y a pas vraiment de... Les gens se parlent avec un naturel désarmant. Je pense que c'est ce qui fait que c'est une si bonne adaptation. Parce que souvent, quand on adapte le théâtre ou le cinéma, les dialogues, c'est ce qui accroche. Là, le monde sont verbeux et ils parlent pendant tellement 8 minutes pour finalement avoir... Oui. Je suis pas d'accord. C'est quelque chose où il y a beaucoup de procédés cinématographiques qui vont parler pour le texte. Exactement. Donc, vraiment, là, on voit beaucoup ça dans le film. Maintenant, je suis vraiment surpris. Je serais vraiment curieux de voir la pièce juste pour faire le rapport avec le film, parce qu'il y a vraiment plein de scènes que je me disais, oh wow, je me demande comment qu'ils ont amené ça. Entre autres, ben, justement, la scène de l'incendie de l'autobus. Je me demande comment sur scène ça a été fait, mais ça doit être. C'est intéressant comment ça a été fait, cette scène-là. C'est très imagé, mais c'est beaucoup dans le bruit. Mais c'est aussi fort. Je me souviens, moi, j'étais sur mon siège pendant cette scène-là. Ouf. Autant que tu étais dans le film. Un environnement sonore, vraiment. C'est sûr que là, on ne voit pas les bébés sortir par les fenêtres, puis on voit pas 20 personnes sur scène, mais il reste que l'émotion est là. C'est sûr que, tu sais, au cinéma, on est d'accord, tu montres la scène directe, il n'y a pas l'espèce de monologue. Non, c'est ça, on montre au lieu de dire. Il n'y a pas la métaphore qui est présentée. Mais tu sais, moi, j'étais fascinée, effectivement, cette scène-là au théâtre, il y a 2 semaines, j'ai comme vraiment fait ouh! J'avais mal là, en dedans de moi. Là. Il y a la scène aussi, je ne sais pas si c'est pareil au cinéma, mais la scène où les deux jeunes, en fait, où pour le spectateur au théâtre, on est devant, on comprend c'est quoi le secret mystérieux Non, cette scène-là, tu vois, ça m'a... Est-ce que c'est une scène au cinéma? Parce qu'au théâtre, c'est vraiment la scène... coup de poing, là. Oui. C'est vraiment la scène qui arrive à la toute fin où on découvre ce qui s'est passé. C'est quoi l'histoire de ce père et de ce frère et de cette mère et de ces deux jumeaux? C'est assez étalé dans le film, parce que justement, la scène où est-ce que le jumeau dit à la sœur, il dit comme est-ce que 1 plus 1 égale 1, puis là, fait, puis on a comprendre. Puis je me suis même, j'ai reculé la scène pour être sûr de, OK, c'est moi qui n'ai pas compris ce que ça impliquait. T'sais, non, on n'est effectivement pas supposé comprendre comme le personnage, elle le comprend. Puis c'est vraiment, c'est étalé, puis le punch final nous est livré par la personne qui le dit aux jumeaux. Donc, est livré en flashback, si on veut. Donc, c'est moins livré comme un punch, vraiment. Exactement, mais comme une découverte. Ça se passe en comme deux forte, loin, extrêmement parce puissante, comme, mais un petit peu plus lente. Ouais. Okay. Parce qu'au théâtre, dans le fond, je ne vais pas révéler de punch, je crois que la pièce est terminée, là, mais c'est la mère qui lit la lettre finalement au final, qui nous révèle le terrible secret, et on comprend pourquoi cette femme-là a été silencieuse pendant 5 ans, et on comprend pourquoi aussi, d'une certaine manière, les enfants sont en furie, mais au fur et à mesure que l'histoire progresse et qu'ils commencent à comprendre ce qui s'en vient. Mais la scène de fin est tellement forte. Alors, je me demandais si au cinéma, ça avait eu le même impact. L'effet est plus... comme tu disais, l'effet est plus distendu. C'est ça, mais c'est parce que, tu sais, le punch de se faire dire, ce qu'il en est, et par un personnage, mais après ça, il y a une espèce de... pardon l'expression anglaise, mais un espèce de cool down. On entend la narration de la mère qui lit la lettre au père. Et puis, on savait déjà tout à ce moment-là, mais là, ce moment-là dans le film, la dernière scène nous informe beaucoup plus sur les vraies émotions du personnage de la mère au lieu de nécessairement la révélation c'est ça, exactement. Là, on est vraiment dans les deux lettres de la mère qui sont comme à l'opposé. C'est vraiment fort, cette scène-là. Là, tu l'as vu juste une fois, parce que moi, ce qui m'a frappé au théâtre, donc j'avais vu la pièce il y a plusieurs années, j'ai vu le film, j'ai revu la pièce, je me disais, allez voir Incendie une deuxième, une troisième fois, avec un punch aussi fort, qu'est-ce que ça va me donner? Oui, tu le connais déjà. Ben oui, je le connais déjà. Puis j'étais frappée à quel point le monologue de Nawal à la fin m'a encore rentré dedans. Oui. Même si tu as beau connaître, savoir comment ça se termine. Et même, je trouvais ça plus intéressant cette fois-ci, parce que ça, je pouvais mieux analyser le cheminement, et c'est ce que le texte me permet aussi, parce que ça, je suis en train de défendre le terme, le texte me permet d'aller chercher tous les petits indices, tous les petits... Et puis, je crois que dans ce monologue, ils veulent dire aussi, en fait, l'importance pour la mère, c'est de dire, je ne vous révèle pas le secret, parce que ce secret-là est trop lourd. C'est, vous allez devoir découvrir ce secret en faisant vos recherches. C'est pas quelque chose que je peux révéler. Non. Et c'est quelque chose pour laquelle, d'ailleurs, cette non-révélation, les enfants lui en voulaient un peu. Oui. En tout cas, le fils, hein, je crois, lui en voulait un petit peu de n'avoir jamais révélé. Puis là, ils comprennent toute cette portée-là. Oui, cette portée est très importante. Et je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai vu la pièce deux fois. Je l'ai vue la première fois, les années 90, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Je veux pas mêler les gens, mais j'ai vu la première version, la deuxième version, et j'étais un petit peu comme toi. Je me suis dit, allez voir la pièce une deuxième fois. Est-ce que je vais autant embarquer dans l'histoire? Et surprenamment, j'ai autant embarqué dans l'histoire, mais je me suis plus attardé à comprendre le cheminement. Exactement. Alors que la première fois, on a plus tendance à chercher. C'est lui. Donc, un spectacle à voir et revoir, parce que toute l'importance est aussi dans le cheminement à lire et à voir aussi au cinéma, donc en film, bien sûr, au cinéma. À un moment donné, un marathon version littéraire, version théâtre et version cinéma, un marathon de trois spectacles, trois fois le même spectacle. Ce serait très intéressant. On s'en va dans un tout autre domaine, un tout autre registre, et je vous fais écouter un extrait pour justement vous mettre dans le bain. On écoute ça tout de suite. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Mon cher ami. On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Alors, peut-être que vous avez reconnu la voix de cet acteur mythique qui est Louis de Funès. C'était donc un extrait de L'Avare. L'Avare, une adaptation donc cinématographique qui date de 1980. Et Conan, pourrais-tu nous parler un peu de l'histoire? Rapidement, évidemment, il se passe plein de choses dans cette pièce-là. Mais grosso modo, deux amoureux cachent un secret à leur père. Le père est complètement... c'était un avare. Il y a beaucoup de gens. Et lui semble voir des complots où il n'y en a peut-être pas. Les gens qui travaillent pour lui finissent par peut-être créer un complot parce que finalement... Il cherche peut-être quelque chose qui, tu sais, son agissement est tellement suspect qu'il y a peut-être quelque chose à cacher. Donc, mais évidemment, c'est un peu les troubles de l'argent et la paranoïa chez un riche bourgeois de ce temps-là. Harpagon. Alors, comment as-tu trouvé cette adaptation-là? J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que j'ai peine à dire que c'est vraiment un vrai film, tellement que c'est une adaptation extrême de la pièce. On voit littéralement les textes sur les murs. Il n'y a aucun mouvement de caméra ou très peu. Il n'y a aucun processus cinématographique qui est vraiment utilisé à des fins de communiquer justement des informations ou des émotions. Mais c'est pas très grave parce que ça vieillit quand même bien parce que c'est quand même un film qui date dans la facture visuelle ça paraît quand même mais l'énergie de ce film-là est quand même très drôle. C'est sûr, c'est Louis de Funès, inclassable. On est obligé de se dire qu'on le voit se régaler. C'est typiquement son registre à lui dans lequel il s'amuse là, parce qu'on l'a vu dans plein d'autres films Louis de Funès, mais c'est toujours ces personnages sombres et crapuleux ce matin que ça faisait des années qu'il rêvait de faire ça. Mais ça paraît. Il voulait faire ça en cinéma depuis des années. Il y a de l'amour dans ce film-là, ça paraît incroyablement. Il faut dire que ça tombe. Moi, je trouvais que ça tombait à point dans sa carrière. Parce qu'un petit peu avant, il était un petit peu une... C'était sur la fin, puis il était un peu une caricature de lui-même. Mm-hmm. Et c'est un film, moi, qui m'a permis de j'allais dire, retomber en amour avec Louis de Funès. Mm-hmm. Parce qu'il y avait vraiment des belles idées aussi. Là. On peut penser à la scène entre où le cuisinier est aussi l'écuyer. Et là, on a droit à un plein pied, un cheval tout maigrichon, mais c'est un plein pied en carton ou en bois. D'ailleurs, ça, j'ai vraiment apprécié. C'est dessiné par Uderzo. Oui. Les chevaux, c'est une grosse peinture dessinée par Uderzo. Ça, j'ai vraiment... C'est un petit détail, mais tu sais, ça vient mélanger plein de médiums. Il y avait un petit côté de bande dessinée dans ce spectacle-là qui était agréable. Oui, puis c'est du clown. Le tiroir qui est infini, un tiroir infini pour un avare, c'est quand même trop drôle. Donc il y a du théâtre d'objets aussi où ils s'amusent énormément. Ça, c'est très, très. Ça fait un peu penser comment ça s'appelle ce film déjà avec Charlie Sheen? Oh my God. Je ne peux malheureusement pas t'aider là-dessus. Les pilotes en l'air, yes, merci beaucoup. Okay. Hot Shots, oui, exactement. Donc, dans l'absurde visuel. Oui, un absurde visuel dans lequel il s'amuse énormément. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé le film avec Jean Giraud. Donc, en 1980. Donc, c'est vraiment un cadeau qui se faisait à lui-même là-dessus. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le texte principal, le texte original? Bon, là, je vais avouer quelque chose. J'ai essayé de lire l'avare cette semaine. Moi, j'aime pas beaucoup lire du théâtre et lire l'avare, je trouve ça particulièrement pénible, mais pour à sa défense. Alors là, tu défends pas trop ta paroisse depuis le début, Marie-Hélène. Non, à sa défense, on a besoin du texte pour pouvoir bien l'interpréter au cinéma et au théâtre. Si le texte n'existait plus, Louis de Funès n'aurait pas pu jouer Harpagon. Donc, même si c'est pas fait pour être lu, il faut comprendre qu'une pièce comme du Molière, ça n'est pas fait pour être lu, c'est fait pour être joué. Bon, il y a probablement des gens, des vrais lecteurs de théâtre, des comédiens, je crois, qui ont du plaisir à lire du théâtre. J'avoue que dans cette pièce-là particulièrement, c'est pas très agréable à lire, mais en même temps, oui, j'imagine qu'il y a des gens qui sont capables d'aller chercher leur Harpagon, leur vision. C'est ça, de jouer un peu en lisant, au final, de s'imaginer, de jouer en lisant. Aussi souvent avec Molière, c'est que c'est un théâtre de mots, mais c'est aussi un théâtre de situations. Puis de gestes. Et de gestes et de mimiques. Donc, des fois, il y a un complément, que le théâtre et le cinéma aident à mieux suivre, entre guillemets, le texte. Exactement. Et donc, des adaptations très différentes dans plein d'époques qui ont été faites souvent pour Molière. Oui. On va y revenir dans un instant, après une courte page de pub. On vous rappelle de venir nous retrouver donc dans les studios à CKRL. Venez nous voir. Venez aussi contribuer généreusement au Radiothon de CKRL. Vous pouvez composer le 418-640-2575 pour le faire. On se retrouve tout de suite dans un instant. Partenaire majeur du Radiothon de CKRL, l'hôtel Château Laurier est un établissement 4 étoiles situé au cœur du Vieux-Québec, à deux pas de la Grande Allée, des plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent. Pour des vacances mémorables et des réunions d'affaires réussies, Hôtel Château Laurier est heureux d'héberger les artistes du Radiothon. hôtelchateaulaurier.com. Oui, on est de retour, les mésadaptés pour le Radiothon de CKRL. On était en train de parler de l'avare de Molière. Marie-Hélène, tu nous avais parlé du texte original joué en 1168, un vieux texte. J'ai dit que c'était un peu plate à lire. Et tu avais dit que c'était plate à lire. Mais il y a quand même une sonorité puis un rythme. Et tu étais bien d'accord pour dire aussi que le personnage Harpagon donc était excellent. Et Conan, tu avais dit, joué par Louis de Funès, c'était absolument formidable et très savoureux. Oui, mais j'allais dire ça ne bat quand même. Et ça ne bat pas quoi? Le Harpagon de Jacques Leblanc, qui a été présenté à la Bordée en 2017, l'année dernière, exactement, en 2017. Et Jacques Leblanc, ce qui est le fun au théâtre, qu'on peut pas faire au cinéma, on peut faire autre chose au cinéma, mais qu'on peut pas faire en littérature, c'est que les comédiens, parfois, peuvent se permettre de briser ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire celui avec la salle. Et dans ce spectacle-là, Jacques Leblanc le fait. À un moment donné, il sort littéralement de scène et il joue avec le public, là, et intervient avec quelques personnes. Il l'a fait dans le film aussi. Il sort du film, il arrive dans une pièce de théâtre. Littéralement, on voit que c'est filmé. C'est vrai, je m'en souviens. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça également. Donc, ils ont réussi cinématographiquement à briser le quatrième mur. Oui, c'est un exploit. Ben, le quatrième mur se brise très fréquemment dans le cinéma. Là. Dès que quelqu'un regarde la caméra, dès qu'il y a une narration, en fait. Ça arrive pas si fréquemment. Peut-être que toi qui es un cinéphile averti. Mais l'implication pour le spectateur est quand même pas la même. Non, non, non. Littéralement, le spectateur est pris à partie d'une certaine façon et doit. Parce que le personnage d'Harpagon, interprété par Jacques Leblanc, il demande d'une certaine façon de prendre parti. Donc, C'est sûr qu'il n'y a pas de réplique qui est donnée par le spectateur, mais quand même, il y a une interaction avec le spectateur. Mmh. Il y avait tout ce petit côté-là ludique qui était intéressant. Et le spectacle aussi était beaucoup monté sous la forme d'un défilé de mode. Donc, chacun des personnages avait un peu leur style à eux et arrivait habillé selon un certain type. Il y avait ça qui était intéressant dans le spectacle. Et donc, les personnages, on a parlé d'Harpagon, mais il y a tous ces autres personnages aussi qui essayent de jouer un tour un petit peu à Harpagon, de lui voler sa... parce qu'il cherche sa fameuse cassette. Sa cassette. Donc, où il y a tout son argent dedans. Sa cassette de 10 000 écus, je ne sais plus. Il explique comment ils ont reçu, à un moment donné, ces 10 000 écus. Mais, donc, mais c'est ça, il veut les garder, veut épouser aussi... Donc, sans scrupules. Oui, mais en fait, c'est aussi beaucoup une histoire d'amour. Parce que les enfants veulent épouser telle fille ou telle autre c'est fille. Ça, le père veut en épouser une autre fille ou une des deux filles que les garçons veulent épouser. Donc, il y a tout ce chassé-croisé amoureux qui entre en ligne de compte. Donc, oui, c'est sûr, il est bien fait, un personnage avare, mais c'est aussi beaucoup sur l'amour, le désir d'une certaine façon. Il y a tout ce côté-là un peu qui permet aussi d'être ludique au théâtre et aussi au cinéma et en littérature d'une certaine façon, mais qui permet d'être ludique. Donc, il y a tout ce côté-là dans cette pièce-là. Donc, un parallèle, le personnage du père désagréable, un peu vicieux, teigneux et vraiment, et avare, centré sur lui-même, et qui ne se soucie absolument pas de ses enfants, et ses enfants, personnes qui veulent vivre jeunes, qui veulent vivre un amour relativement pur, chose difficile à cette époque-là, savoir comment on peut réussir à faire ça. À cet âge-là, on veut toujours ça, par contre. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils vont virer plus tard comme leur père, ces personnages-là. Et alors, comment ça a été amené, ça? D'abord au théâtre, puis après, on en parlera un peu au cinéma. Mais justement, ces personnages-là, beaucoup plus touchants à la limite, qui viennent un petit peu contrecarrer le côté désagréable du personnage d'Harpagon. C'était beaucoup dans le jeu des comédiens, je dirais. C'était vraiment, les comédiennes avaient quand même un rôle, c'est des rôles dans ce Molière-là, sont des rôles un peu secondaires, mais c'était beaucoup dans le jeu, l'interprétation des personnages et dans la relation que les deux jeunes garçons et filles avaient ensemble. D'accord. Donc, c'était beaucoup là-dessus qu'on jouait pour faire sortir cet aspect amoureux et, naturellement, la dichotomie avec le père qui, lui, voudrait épouser une jeune femme et que ça se peut pas en bout de ligne. Donc, il y avait beaucoup sur le jeu des comédiens. Est-ce que, de manière un peu moins caricaturale, que souvent le jeu de Harpagon suggère, le rôle d'Harpagon suggère un jeu un peu caricatural, celui peut-être des jeunes personnes qui veulent vivre leur relation amoureuse, est-ce que c'est plus subtil ici? C'était beaucoup plus subtil. Les deux personnages étaient celui de Frédéric Bradette qui faisait, comment qu'elle s'appelle, Frozen, je crois, si je ne me trompe pas. Qui faisait qui faisait la bonne, qui était plus caricaturale avec celui de Jacques Leblanc. Les autres étaient beaucoup plus dans le traditionnel, je dirais, mais beaucoup en intériorité et en ressenti. Ce qui est intéressant quand même dans le théâtre de Molière, parce que des fois, peut-être qu'on s'en rend compte quand on lit le texte original que ces personnages-là sont plus doux, sont plus réels. Ils sont moins caricaturels, c'est sûr qu'on le voit très bien dans le texte original. Et après, le théâtre, ce qui permet le théâtre, c'est une réinterprétation selon nos époques aussi. Oui. Mais lire le texte original nous permet de voir l'esprit de l'époque, l'esprit à laquelle ça a été monté, dans quel contexte aussi. Il écrivait pour la cour, donc il écrivait justement pour faire rire le peuple. On voit bien dans l'avare, il y a vraiment deux niveaux. T'as Harpagon qui est une caricature, mais t'as ces enfants. Ces deux personnages-là qui essaient de vivre pleinement leur amour. Comment c'est amené ça dans le film? Ben, je te dirais que les autres personnages, mon souvenir est moins fort avec à propos de leur caricature. Donc, ça veut dire que c'est des personnages un peu plus ronds, un peu plus normaux, là, tu sais, qui, évidemment, sauf peut-être le cuisinier, là, qui lui semble être vraiment le souffre-douleur, qui lui brise le quatrième mur très constamment. Ah, tu sais, je me fais battre par un, puis après, je me fais ignorer par les autres. Tu sais, lui, c'est vraiment le pauvre souffre-douleur. aussi, les deux je pense, les deux, les deux, pas Maréchal, mais comme les deux personnes qui travaillent dans la ferme, là, qui parlent, les deux parlent pas vraiment, mais sont un peu les sous-fifres d'Harpagon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment Harpagon qui est vraiment très, très, très typé. Le reste, ça y va de manière assez normale. Je dirais, il n'y a pas tant de personnages sont caricaturés à part Paragon. On aurait pu croire dans un film réalisé par Louis de Funès qu'il y aille dans la caricature pour tout un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais non, il a respecté cette dichotomie-là mm-hmm. un petit peu. Donc, mais vraiment... faut dire aussi que dans un film avec Louis de Funès, habituellement, c'est Louis ou de Funès et les autres. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est le rôle principal. Il y a souvent les autres sont souvent des faire-valoir, etc. Là. C'est vrai qu'on a souvent ça. Eh bien, ça se termine un petit peu ici pour l'avare, c'est sûr, mais il nous reste une dernière œuvre que tu nous as suggérée, Robert. Oui. Une œuvre qui n'est pas particulièrement connue. Enfin, c'est pas parmi les œuvres les plus connues de Shakespeare, mais c'est une œuvre qui s'appelle donc Coriolan. On en écoute un extrait tout de suite. Common cry of curse, whose breath I hate as reeks of the rotten fens, whose loves I prize as the dead carcasses of unburied men that do corrupt my air, I banish you, and here remain with your uncertainty. Un morceau particulièrement intense. Et polluer mon air. Oui, oui. Et Ralph Fiennes qui interprète Coriolan dans le film, dans l'extrait du film qu'on vient de voir. Et à cette intensité d'un bout à l'autre. Un anglais donc d'un niveau de langage très très élevé. Donc je me permets de vous faire une traduction. Donc la traduction vraiment du texte de Shakespeare. Et il disait après donc s'être fait huer par la foule et bannir par le peuple, Coriolan dit: ville meute de chiens dont j'abhorre le souffle comme la vapeur empestée d'un marécage et dont j'estime les faveurs comme ces cadavres privés de sépulture qui infecte l'air. Je vous bannis et vous condamne à rester dans cette enceinte en proie à votre inquiète inconstance. Un personnage très, très de bonne humeur, finalement. Oui, tout le long du film, qui montre un amour sans faille à la plèbe. Donc, c'est ça, c'est bien le contraire. C'était ironique ce qu'on disait. Oui, c'est Coriolan, donc un personnage qui est le peuple, mais un personnage qui est très attaché à sa patrie, un attachement qui lui a été donné par sa mère très attachée à la patrie aussi, un personnage très sombre, très machiavélique et très froid aussi, et donc qui transmet ces traits de caractère-là à son fils Coriolan, qui se bat énormément pour Rome. On est donc dans la jeune Rome de -493 avant Jésus-Christ, et donc Coriolanus est un général qui essaye de défendre Rome et qui aimerait être sénateur. Il a besoin des voix du peuple, mais il abhorre le peuple. Donc, il essaye de rechercher les voix, mais il n'y arrive pas. Et au final, il est tellement désagréable que le peuple le bannit. Et finalement, eh bien, son patriotisme en prend un coup. Il se dit, vous me détestez. Moi, je vais aller voir nos ennemis et je vais revenir sur Rome parce que finalement, bien... c'est sa fierté avant tout, on comprend que c'est pas son patriotisme et non. Que c'est lui avant tout. Et il va voir donc les Volsques, un ancien peuple italique, donc les ennemis de Rome, et son ancien ennemi Aufidius, le général un général Volsque. Et il veut revenir donc sur Rome, les battre. Et finalement, Aufidius en prend ombrage parce que les Volsques aiment beaucoup. Commence à beaucoup aimer Coriolanus, et donc là Aufidius se dit non, là c'est trop aussi, là encore il a une joute de fierté entre ces deux hommes qui sont des concentrés de virilité désagréables comme on peut en trouver dans les personnages caricaturaux de Shakespeare. Donc c'est vraiment ça qu'on a. Si on parlait du texte original, Marie-Hélène, moi Shakespeare, à chaque j'écoutais l'extrait, ça a beau être violent, tout, il y a une sonorité incroyable. Et nous, comme... moi, lire ça, je trouve ça, oui, complexe, oui, fouillé, oui, mais c'est beau. C'est, moi, je suis une grande fan de Shakespeare, mais à chaque fois que j'entends en anglais, je trouve ça magnifique. On comprend ses sons, le phrasé, le rythme. C'est magnifique. Et ce qui est beau, c'est qu'on arrive à le faire en autre langue, en français. Oui. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, malheureusement, présentement, le texte n'est pas disponible, mais Michel Garneau, un de nos grands poètes québécois, a retraduit Coriolan. Oui. En québécois. Oui, alors tu m'avais dit ça, puis c'est vrai que ça aurait été... Mais tu as apporté un autre œuvre. J'avais Macbeth, là, pour quand même faire la différence, parce que Macbeth, il a carrément écrit en joie. Oui. Mmh. Et là, on comprend ça dans les années 70. C'est le Québec qui veut se libérer. C'est, ce qui est fascinant aussi avec Shakespeare, c'est qu'il est hyper contemporain. Il a pas vieilli. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure quand on va parler du théâtre. Mmh. Donc, je vais attendre un peu, mais on peut réinterpréter à la sauce d'aujourd'hui. Et on en parlera pour le cinéma aussi, parce que finalement, ça se passe, c'est avec des armes, des mitraillettes. C'est au 20e siècle, ça. C'est ça qui est fascinant. Et ça marche à chaque fois. Donc, je vais vous lire un extrait de Macbeth, puisque je ne peux pas vous lire un extrait de Coriolan. Oui, mais ça nous donnera une idée un petit peu de cette couleur québécoise associée au texte de Shakespeare. Donc, c'est là. Je lis tout simplement le début, le premier acte, c'est les trois sorcières de Macbeth. Première. You et quand et you, que nous trois, on va se rassembler ensemble encore, quand il tonne, quand il s'éclaire, ou bien aveugle de mouiller. Deuxième. Quand ils auront fini de demander leur grand train, quand la batterie sera gagnée puis perdue, ça va être à peu près de vert la brunance. Tu dis à quelle place, pas si facile que ça à lire à haute voix, le grand brûlé cite même. Pour se rencontrer avec Macbeth. Eh bien, c'est un joual tellement fort que moi-même, j'ai pas tout compris. Wow. Pourtant, Dieu sait, ça fait 6 ans que j'habite au Québec, mais j'ai pas tout compris. Non, mais c'est fort. C'est vraiment quand même très fort. Mais c'est génial de voir justement ces adaptations-là au niveau vraiment juste de la langue, de voir que, non, on peut le ramener même à différents niveaux de langue, puis il va y avoir cette force-là, on peut la conserver. Mais c'est un tour de force, par exemple, exactement, de pouvoir conserver toute cette force-là et cette musicalité-là. Bon, là, j'ai lu un peu vite et un peu difficile. Je suis pas du tout comédienne et c'est pas un texte facile à lire, mais on sent quand même la sonorité est là, l'esprit de Shakespeare est encore là et il se transporte, ben, peut-être pas aujourd'hui parce que l'action se passe quand même à l'époque, mais c'est modernisé, il y a un message politique derrière ça, on le comprend très bien. C'est pas naïf de faire ça les années 70. Non, absolument pas. C'est très politique, Coriolan, mais c'est vrai aussi pour Jules César, c'est vrai aussi pour Antoine et Cléopâtre. Il y a beaucoup de pièces de Shakespeare qui sont très politiques, où la politique joue un rôle immense et important, parce que dans ce spectacle-là de Coriolan, dans cette pièce-là de Coriolan, tout tourne autour de la politique, des jeux de pouvoir. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Oui, c'est très malsain, effectivement. Oui. Toi, tu as vu, Robert, une des trois pièces de Tragédie romaine. Oui, en fait, j'ai vu... Qui était au Carrefour international de théâtre en 2010. Oui. Exact. En fait, j'ai vu Tragédie romaine au grand complet, qui est un montage de trois pièces qui sont, je viens de les nommer tout à l'heure, Coriolan, Jules César et Antoine et Cléopâtre. Et donc, les trois sont très politiques. Hein? Oui, les trois sont très politiques. Et c'est ce qu'on a fait avec cette pièce-là. C'était avec des surtitres français. C'était une pièce flamande, avec surtitres français. Mais on a vraiment transposé ça dans le monde d'aujourd'hui. Alors, tout est axé sur la guerre politique qui joue. Et c'est tellement actualisé qu'il n'y a plus de mur dans ce spectacle-là. La première partie, la dernière partie, les spectateurs sont dans la salle, mais pour les deuxième, et troisième et quatrième parties, si ma mémoire est bonne, il y avait cinq parties. On était tout le temps dans la salle, sauf au début. C'est au début et à la fin qu'on était dans la salle. On était dans la salle, puis le reste, on pouvait se déplacer, donc... Sur la scène, donc on était carrément dans la scène. On pouvait manger, on pouvait quitter pendant le spectacle. On devait manger. Parce que, ça durait 6 heures. Oui, c'est vrai. C'était parce que c'était un combat politique et c'était un peu monté comme des nouvelles. Il y avait des grands écrans dans lesquels on voyait la salle. Donc, une implication totale et obligatoire, d'une certaine façon, un petit peu. Mais en tout cas, on vous incitait fortement. Tu avais le droit de rester en salle. Mais t'avais le droit de quitter. On vous incitait fortement à participer. Il y avait des arrêts aux 15 minutes, excuse-moi Robert, à peu près aux 15 minutes, pour qu'on puisse être invité à changer de point de vue à chaque fois. Donc, on pouvait s'asseoir à peu près n'importe où. À un moment donné, aller commander de la bouffe pendant que ça joue, parce qu'il faut manger. Le côté journalistique, je rebondis là-dessus, juste... Le côté journalistique était très, très, très important, et c'est pour ça qu'on pouvait sortir, parce que c'était comme si on écoutait des nouvelles. Donc, quand tu es chez vous, des fois, tu pognes un bout de nouvelles, tu en manques un bout, tu en retrouves un autre. Donc, on pouvait faire la même chose avec la pièce. Eh bien, les nouvelles, c'est aussi au cœur du film. Extrêmement important dans le film. C'est comme ça que Coriolanus apprend la plupart du temps comment le peuple le perçoit. Donc, oui, vraiment, les nouvelles sont extrêmement importantes dans ce film-là. Et j'ai particulièrement aimé ça parce que souvent, dans les films, quand on crée un univers de journalistique, si on veut, dans un film, mais là, c'était vraiment au cœur. C'était vraiment au cœur. Comme les médias sont la représentation de la plèbe, carrément. Donc, vraiment, là, oui. Comme ça pouvait jouer un cœur, un petit peu, qui vient expliquer ce qu'en est un petit peu l'opinion du peuple par rapport à cette personnalité. Exactement. Donc, oui, c'était un côté très intéressant. Mais vraiment, tout le côté aussi, justement, unanime un peu de la société. On le voit quand même très bien dans le film que c'est vraiment Coriolanus, en dessous de lui il y a l'armée, et après ça il y a quand même la masse de plèbes qu'on n'arrive jamais vraiment à dire c'est une personne entière, c'est vraiment une masse uniforme qui a beaucoup de pouvoir quand même. Là, donc, qui a beaucoup de pouvoir et qui est contre Coriolan. Donc. Mm-hmm. Et donc ce personnage, on a parlé un petit peu du contexte, on a parlé du fait que c'est un texte qu'on peut actualiser très facilement et on le fait très bien avec aussi cet aspect journalistique-là. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur le personnage. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le personnage de Coriolan, c'est un personnage où il n'y a pas de grand monologue où... Ça arrive dans d'autres pièces de Shakespeare où le personnage va nous faire un peu son état d'âme et nous expliquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais là, on ne sait pas ce qui se passe trop à l'intérieur de lui. Et donc, plein d'interprétations possibles sur comment le rôle peut être interprété. Est-ce que des interprétations différentes... Je sais que dans le film, c'est un personnage qui est comment, si tu avais décrit Coriolan? Dans le film, c'est un personnage qui est extrêmement, autant au point de vue émotionnel que physique, cicatrisé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... La guerre a vraiment laissé les traces sur le corps de cet homme-là, mais aussi, tu sais, on en déduit qu'il n'y a pas juste sur le corps, mais aussi comme sur sa personnalité, parce que je sais pas si on le voit vraiment dans les pièces, mais on voit vraiment, il y a une scène où je pense que c'est sa mère le lave, je pense, ou quelqu'un le lave, et on voit vraiment, le corps recouvert de cicatrices, c'est vraiment un être, tu sais, qui a survécu, là, à la machine, là, qu'est la guerre. Donc, ça, je trouve ça intéressant, puis ça, évidemment, quelqu'un qui sort de là, ne sort pas intact, ni, Rose, ni Fleur et Gaieté, donc vraiment... Mais aucune faiblesse, on ne sent aucune faiblesse dans ce personnage-là. Il se met un mur de béton. Carrément, ce personnage-là n'est que hargne et haine, et vraiment, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, il ne montre aucune... il ne plie jamais. Il y a peu d'émotions autres que la hargne. C'est quelqu'un qui a un objectif aussi, qu'on a parfois un peu de difficulté à saisir, quoi qu'on se doute bien qu'il veut prendre le pouvoir à Rome. Mais c'est un personnage qui est principalement dans une émotion qu'il véhicule tout au long de la pièce. Et ce qui était intéressant dans Tragédie romaine, c'est que tous les personnages étaient habillés sensiblement de la même façon. Ils étaient tous habillés modernes, mais tous sensiblement de la même façon. Donc, c'était vraiment avec le nom qu'on donnait aux personnages ou la façon dont les personnages agissaient qu'on pouvait un peu saisir leur personnalité. Donc, le focus était beaucoup plus sur l'interprétation et sur le texte que sur ce qu'il y avait autour. Oh, ça ne pouvait pas nous suggérer grand-chose. Non. La scénographie ou les costumes ne pouvaient pas nous suggérer grand-chose. T'as des vestons cravates très gris. En général, très gris-bleu, gris-noir. Très classique. Exact, très classique. Puis c'était assez uniforme. Ce qui était intéressant dans la Tragédie romaine aussi, c'est que certains personnages masculins ont été interprétés par des femmes. Cassius, ouais, puis Octave César étaient interprétés par des femmes. Donc, il y avait comme aussi une espèce de transposition pour montrer que, finalement, la violence, la hargne, la prise de pouvoir pouvait se faire autant qu'on soit un homme ou une femme, peu importe le sexe et peu importe la nationalité. Et puis, une dernière intervention. Oui, pardon, les vêtements, je trouve ça intéressant parce que justement, les vêtements, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ce film-là. Contrairement au pièce de théâtre, les vêtements semblent même porter la personnalité du personnage. Dans le film. Dans le film, vraiment, penser parce que vraiment, il y a tout le monde est habillé du militaire, mais ils ont tous des styles carrément extrêmement distincts qu'on peut reconnaître vraiment d'un coup d'œil, puis même que rien n'en change. de change son habit là, une couple de fois. Donc, c'est vraiment... En fonction de ce qu'il est. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Ça donne envie de refaire un Mésadapté pour une prochaine fois. Mais c'était une émission spéciale pour le Radioton. Radioton, on vous rappelle, soyez généreux. C'est une radio qui véhicule la culture d'une formidable façon. Merci à vous trois, Robert Boisclair, Conan Arsenault, Marie-Hélène Vaugeois. Merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Et puis, à la régie, on avait... excusez-moi, je reviens là-dessus. Miguel Fontaine, excuse-moi Miguel. Une idée originale de Tania Beaumont et en nom de Simon Roy. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt à CKRL encore.